ยูมันเอาเวียนที่ไอ้มามัวอันที่แม่ยากันแล้วมัวอันที่แม่ก้าขี้จันทร์เนี่ยลาลีบ่ฮาวายฮาบ้าอันที่น่ะฟื้นเบตินาเมงกอรีเอวายแม่ดูชิ้นโชว์เมลีมัวเอ็มซานายมัวเบ้มาบ้าเบื่อไม่จับบ้ามึงรู้ละมูซาไม่จับบ้าดูจูบ้ามาลีฟาละมูซูบ้ามูซาbabua sida uwe soba monsa bobo monsa uba alolisa badu yuti uwe mao homo ki upa upika modu mevivye fianda sipada masuna yu njoba kiyo mambote Babi, babi, ni mono alim si ba chao chao chao chao mama une pagi kamo mari babi ni mono ni chi ba ni chanto bonjour madame Pierre mon mari n'est pas d'ici on y a pour vous d'ici mais n'est pas l'un qui dans mon lactage. Bonjour madame Pierre, si mon mari n'est pas ici, oui, à ton bout ici, ben n'est pas le dit d'amour. Allez, baba, me couche par la mourgui, et la langue, quand baba, soubi. Quand, j'ai mon lapote, la madame, doucement dans les reins, ben c'est marqué. Sa petite femme la joue, elle a un grand bonheur. Tous les hommes qui la bouteille et qui mènent sur la table. Qui vous paye ça mon âme, qui vous paye ça mon fils, qui vous paye ce petit nom là, qui vous paye ça. Ciao, ciao, ciao, ciao, maman, vous n'êtes pas dit, ah ben. C'est donc, tu sais. Ciao, ciao, ciao, ciao, mon mari n'est pas d'ici. Comme mon mari va vivre mon mari, il s'y va pour sans toi. Bonsoir, madame Pierre, mon mari n'est pas d'ici. Rien pour vous d'ici, mais n'est pas l'un qui dans mon lactage.